savant bon comme ministre des Affaires étrangères. Ce Kajala qui était au Nel 7.60. Et tout pas mon aîné, bébé la Kibiso et un petit sac qui en gros non qui est. Ce qui a fait que ça qui n'a quitté au Nel et l'Oyo, tout sous canaman.